Je te connais si capricieuse, répondit Steinbock. Ne t'ai-je pas entendu causant avec Lisbeth du baron Montès, ce Brésilien? Veux-tu m'en débarrasser? Dit Valérie. Ce serait, répondit l'ex-sculpteur, le seul moyen de t'empêcher de le voir. Apprends, mon chéri, répondit Valérie, que je le ménageais pour en faire un mari, car je te dis tout à toi, les promesses que j'ai faites à ce Brésilien, oh, bien avant de te connaître, dit-elle en répondant à un geste de Venceslas. Eh bien, ces promesses, dont il s'arme pour me tourmenter, m'obligent à me marier presque secrètement, car s'il apprend que j'épouse Crevel, il est homme à me tuer. Oh, quant à cette crainte, dit Steinbock en faisant un geste de dédain qui signifiait que ce danger-là devait être insignifiant pour une femme aimée par un Polonais. Remarquez qu'en fait de bravoure, il n'y a plus la moindre forfanterie chez les Polonais, tant ils sont réellement et sérieusement braves. Et cet imbécile de Crevel, qui veut donner une fête, et qui se livre à ses goûts de faste économique à propos de mon mariage, me met dans un embarras d'où je ne sais comment sortir. Valérie pouvait-elle avouer à celui qu'elle adorait que le baron Henri Montès avait, depuis le renvoi du baron Hulot, hérité du privilège de venir chez elle à toute heure de nuit, et que malgré son adresse, elle en était encore à trouver une cause de brouille, où le Brésilien croirait avoir tous les torts? Elle connaissait trop bien le caractère quasi sauvage du baron, qui se rapprochait beaucoup de celui de Lisbeth, pour ne pas trembler en pensant à ce mort de Rio de Janeiro.